223, activation, oral comprehension, negation. Listen and indicate whether the phrases you hear are positive, oui, or negative, non. Check the corresponding box. 1. Elle n'est pas pressée. 2. Il n'a pas d'accent du tout. 3. Elle est malade. 4. Elle n'est pas là. 5. Nous allons à la fac. 6. Moi, je ne vais pas à la fac. 7. Je ne sais pas. 8. Elle est là. 9. Tu es pressé. 10. Ce n'est pas Mireille. 11. C'est Ousmane. 12. Il va à la bibli. 13. Il va travailler. 14. Il n'est pas fatigué.